الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala intitulé العقيدة الواسطية et dans lequel il a exposé la croyance du groupe sauvé. Nous avons terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le passage dans lequel l'auteur a énuméré un certain nombre de preuves du Qur'an et de la Sunnah desquelles sont tirées des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, nous avons vu que l'auteur nous a expliqué que les gens de la Sunnah, dans le domaine de la croyance en ces noms et ses attributs, ont emprunté la voie du juste milieu, comme ils l'ont fait dans l'ensemble des domaines de la croyance et de la religion. Après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est revenu sur différents points importants liés à la croyance, et ce afin de lever toute ambiguïté à ce sujet. Et il a commencé par exposer l'obligation d'avoir foi en al-istiwa, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône et qu'il est élevé subhanahu wa ta'ala au-dessus de ses créatures tout en étant avec eux. C'est-à-dire, comme on l'a vu, de par sa science qui cerne toute chose et rien ne lui échappe subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement avec ses serviteurs croyants car il les soutient, les secourt et les aide, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il mentionne la foi en ces deux attributs, l'élévation et al-ma'iyya, la compagnie, car il se peut que certaines personnes aient des idéologies erronées à ce sujet et n'arrivent pas à faire le lien entre le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit avec nous, tout en étant élevé au-dessus de son trône et de l'ensemble de ses créatures. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a voulu nous démontrer qu'il n'y a pas de contradiction entre cela. Il a donc dit « Faslun, wa qad dakhala fi ma dhakarna min al-iman billah, al-iman bima akhbar Allah bihi fi kitabih, wa tawatara 'an rasulih, wa ajma'a 'alayhi salaf al-ummah min annahu subhana fawqa samawatihi 'ala 'arshihi علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. Et entre dans cela, entre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir foi en ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a informé dans son livre et ce qui est rapporté de manière notoire de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sur quoi sont unanimes, ce sur quoi n'ont pas divergé, les salafs, les prédécesseurs de la communauté, les meilleures générations de l'islam, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiés comme étant les meilleurs des gens. Ils ont été unanimes sur ces choses liées à la croyance, il est donc obligatoire d'avoir foi en cela. Et entre dans cela, il nous dit, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses cieux, au-dessus de son trône, élevé au-dessus de ses créatures, et il est subhana avec eux où qu'ils soient, et il sait ce qu'ils font. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est élevé, et il est avec nous où que nous soyons. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre ces deux attributs dans sa parole qui est la suivante. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Puis, il s'est élevé au-dessus du trône. Donc, il est fait mention ici de l'élévation. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort. وما ينزل من السماء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Il sait ce qui descend du ciel et ce qui y monte. وهو معكم أينما كنتم. Il est avec vous où que vous soyez. والله بما تعملون بصير. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et ceci est le verset 4 de Sourate Al-Hadid. Donc on voit dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement mentionné qu'il est élevé au-dessus de son trône et qu'il est avec nous où que nous soyons. Et qu'est-ce que cela signifie « il est avec vous » On le comprend par la suite du verset. Il voit parfaitement ce que vous faites. Rien ne lui échappe. Sa science cerne toute chose. Il voit et il entend toute chose et il est témoin de toute chose. Subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَلَيْسَ مَعْنَا قَوْلِهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ » Sa parole, « il est avec vous » ne signifie pas qu'il est mélangé aux créatures. « فَإِنَّ هَذَا لَا تُجِيبُهُ اللُّغَةِ » Car ceci n'est pas voulu par la langue. En langue arabe, et même en langue française, lorsqu'on dit qu'une personne est avec une autre, cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est avec elle physiquement. Si quelqu'un t'appelle, par exemple, pour te faire part d'une épreuve qu'il subit ou de difficultés qu'il rencontre, qu'est-ce que tu peux lui dire pour le soutenir ? Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis avec toi. Est-ce que tu es à ses côtés ? Non. Tu es avec lui, c'est-à-dire tu le soutiens. Tu vas l'aider, bi'idhnillahi ta'ala, à surmonter ses difficultés. C'est cela le sens de cette parole. Et l'auteur, rahimahullah, va nous donner un autre exemple avec la lune. Ensuite, il dit « وَهُوَ خِلَافْ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ » Et cela est contraire à ce sur quoi ont été unanimes les pieux prédécesseurs de la communauté. Les salafs, qui sont notre modèle, ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifiés comme étant les meilleurs des gens. Lorsqu'il a dit « les meilleurs des gens sont ceux de ma génération », ses compagnons radiyallahu anhum, puis ceux qui les suivent, at-tabi'un, puis ceux qui les suivent, tabi'ihim, les suiveurs des tabi'in. Donc ces trois générations sont les générations que l'on appelle les générations privilégiées. Les compagnons radiyallahu anhum, at-tabi'un, ceux qui ont pris la religion des compagnons, puis ceux qui sont venus après eux. Ceux-là sont les salafs qui nous servent de modèle. Et ceux-là ont été unanimes à dire qu'Allah est élevé au-dessus de son trône, qu'il est au-dessus de ses créatures, et ils ont été unanimes pour dire qu'il est avec ses créatures de par sa science. Et c'est comme cela qu'ils ont interprété la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'akum, et il est avec vous, c'est-à-dire de par sa science. Ensuite il dit, rahimahullah, وَخِلَافُ مَا فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْخَلْقِ Et cela est contraire également à ce sur quoi Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures. Cela est contraire à la saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créées. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a ancré en ses créatures l'acceptation et la reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux. Et quelle est la preuve de cela? La preuve est que lorsqu'une personne se trouve en difficulté, qu'elle vit des épreuves et qu'elle veut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, elle va tout de suite se diriger vers le haut. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé sur une saine nature de sorte à reconnaître l'élévation de son Seigneur, sans que personne ne lui indique qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. Même le mécréant reconnaît cela. Et lorsqu'ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils indiquent le haut. Donc ceci est une chose qui est établie dans la nature saine des créatures. Et dire autre que cela s'oppose à cette saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes. Ensuite il dit, rahimahullah, « Bal al-qamar ayatun min ayatillah min asghari makhluqatihi » La lune est un signe parmi les signes d'Allah, faisant partie de ses plus petites créatures. Wa huwa mawdhu'un fis sama, et elle se trouve aux cieux. Wa huwa ma'al musafir wa ghayr al musafir ayna ma kan. Et elle se trouve avec le voyageur et autre que le voyageur où qu'il soit. Où que tu sois, Lorsque tu te déplaces la nuit ou lorsque tu es à l'arrêt, la lune est avec toi, quel que soit le pays où tu te trouves, la ville où tu te trouves, et ainsi de suite. Est-ce que cela signifie que la lune est à tes côtés et qu'elle s'est mélangée à toi? Non. La lune est bel et bien au-dessus de toi. Et lorsque l'on dit que la lune est avec le voyageur où qu'il soit, tout le monde comprendra le sens de cette parole. Donc si tel est le cas pour une petite créature parmi les créatures d'Allah, comment n'en serait-il pas ainsi au sujet du Créateur qui est bien plus immense et bien plus élevé que cela? Subhanahu wa ta'ala. Donc on voit qu'en réalité c'est une chose simple à comprendre. Mais les gens de l'innovation et de l'égarement ont rejeté ces sens évidents pour se plonger dans de profonds égarements, wal iyadu billah. Ensuite il dit, rahimahullah, « Wa huwa subhana فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. » Et Allah subhana est au-dessus de son trône. Il observe ses créatures. Il sait parfaitement tout ce qu'elles font. Et ainsi de suite parmi les différents sens compris par sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Donc ici l'auteur, rahimahullah, insiste sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé et qu'il est avec nous de par sa science et qu'il nous observe et nous voit. Et c'est pour cela qu'il a mentionné ces deux noms d'Allah, Al-Raqib et Al-Muhaymin, qui nous indiquent tous deux qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe ses serviteurs et qu'il est témoin de l'ensemble de leurs œuvres et les surveille, tout en étant élevé au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue en nous expliquant le sens de la parole qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, est fils sama. Il dit, وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ أَلَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهِ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَنَا حَقٌ عَلَى حَقِيقَتِهِ. Et toutes ces paroles qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a mentionnées concernant le fait qu'il est au-dessus du trône et qu'il est avec nous, c'est une vérité qui est réelle, c'est-à-dire que l'on doit y croire selon le sens réel. Il nous dit, rahimahullah, « La yahtaju ila tahrif. » Ces paroles n'ont pas besoin d'être altérées. On ne doit pas en altérer le sens, mais on doit croire au sens apparent de ces paroles. Et ne pas faire comme les gens de l'innovation qui ont altéré ou donner des interprétations erronées aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme en disant que Al-Istiwa n'a pas le sens d'Al-Istiwa, mais qu'il a le sens de Al-Istila, qui signifie la prise de possession, ou en disant que l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala signifie seulement l'élévation de son rang et de son autorité, ou autres interprétations erronées mentionné par les gens de l'innovation qui ont altéré le sens des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont même été jusqu'à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en tout lieu, wal'iyadu billah, s'opposant clairement à toutes les paroles que l'on a mentionnées précédemment. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « La yahtaju ila tahrif » ceci n'a pas besoin d'être altéré, on doit le comprendre selon son sens réel, ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. Mais ceci doit être préservé des opinions mensongères, des pensées mensongères. مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله. Comme le fait de penser que le sens de في السماء, au ciel, signifie que le ciel le porte ou le couvre. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ. Et ceci est faux à l'unanimité des gens de science et des gens de foi. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah, son kursi, dépasse les cieux et la terre. Son kursi seulement, qui est une créature plus petite que le trône qui est la créature la plus immense. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus grand que ses créatures. Donc si cette créature qui est le kursi dépasse les cieux et la terre, comment Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de ce kursi, qui est plus grand et plus immense que ce kursi, pourrait être porté ou couvert par le ciel qu'il a créé, wal'iyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا. Et Allah est celui qui retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِي. Et il retient le ciel de tomber sur la terre sauf s'il le voulait. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِي. Et parmi ces signes, il y a le fait que le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. Donc tous ces versets nous démontrent que ce sont les cieux et la terre qui ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les retient pour qu'ils ne s'affaissent pas. Ils ne tiennent que par son ordre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est al-ghani et il n'a besoin de rien parmi ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue de réfuter certaines ambiguïtés et de repousser certaines idées fausses qui pourraient traverser l'esprit de certaines personnes en raison d'un manque de science ou de connaissances, et il nous expose l'obligation d'avoir foi en la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ceci ne s'oppose pas à son élévation. Il dit « Faslun » وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Et entre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est qarib, il est proche, c'est-à-dire proche de ses créatures, et mujib, c'est-à-dire qu'il répond à leurs invocations. كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ. Comme il a réuni cela dans sa parole, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala est tout proche. Son serviteur l'invoque et Allah subhanahu wa ta'ala lui répond à son invocation. Il l'exauce. Et on rapporte que la cause de la révélation de ce verset et qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, est-ce que notre Seigneur est proche et donc nous nous confions à lui » c'est-à-dire lorsque nous nous adressons à lui, nous lui faisons des confidences, nous parlons à voix basse « ou alors est-ce qu'il est loin, alors nous l'appelons ?» Suite à cette question, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gardé le silence jusqu'à ce que soit révélé ce verset. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith que l'on a déjà vu et qui confirme ce sens. Qui est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna alladhi tad'ounahu aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi. » Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le cou de sa monture. Donc il n'y a pas besoin d'élever la voix lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala ou lorsque l'on fait du dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala est tout proche et il est samir. Il entend parfaitement toutes choses subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ La yunafi ma dhukira min uluwihi wa fawqiyatihi. Et tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, concernant sa proximité et sa compagnie, ne s'oppose pas à ce qui est venu concernant son élévation et le fait qu'il est au-dessus de ses créatures. Fa innahu subhana laysa kamithlihi shay fi jami'i nu'utihi wa huwa aliyun fi dunuwihi qaribun fi uluwihi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est semblable à lui dans l'ensemble de ses attributs. Il est élevé dans sa proximité et proche dans son élévation. L'auteur rahimahullah ta'ala nous indique ici que lorsque tu apprends qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de ses créatures et que tu apprends également qu'il est proche et qu'il est avec nous, tu dois avoir la ferme conviction qu'il n'y a pas de contradiction en cela. Et tu ne dois pas t'interroger sur le comment. Tu ne dois pas dire S'il est au-dessus de ses créatures, comment peut-il être avec elles? Car cette question, elle provient et résulte d'une comparaison entre le Créateur et les créatures. Et ceci est une comparaison erronée qui n'a pas lieu d'être. Car Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay. Toutes les questions de la sorte que la personne peut se poser au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont que le résultat d'une comparaison erronée entre le Créateur et la créature. Comment peut-il être élevé alors qu'il est proche? Comment peut-il être élevé alors qu'il est avec nous? Cela car la personne a comparé le Créateur aux créatures. Et si elle avait la ferme conviction et qu'elle avait ancré dans son cœur qu'Allah laïsa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. La règle de base que tu dois appliquer sur l'ensemble de ses attributs, subhanahu wa ta'ala, laïsa kamithlihi shay. Tu ne le compares pas à ses créatures. Et si tu appliques cette règle, tu te mettras à l'abri bi'inillahi ta'ala de nombreuses idées erronées et de nombreuses croyances déviantes concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala est revenu sur l'obligation d'avoir foi au Coran et qu'il est réellement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit faslun wa min al-imani billah wa kutubihi al-iman bi anna al-Quran kalam Allah munazzal ghayr makhluq. Et entre dans la foi en Allah et en ses livres le fait d'avoir foi que le Coran est la parole d'Allah, qu'il est descendu et qu'il n'est pas créé. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Il provient de lui, c'est-à-dire il provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il lui revient, c'est-à-dire que c'est sa parole, subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Il est obligatoire d'avoir foi au fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'a réellement prononcé ses paroles. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. Il est obligatoire de croire que le Coran qu'il a fait descendre sur Muhammad صلى الله عليه وسلم est vraiment la parole d'Allah et ce n'est pas la parole d'autrui. Donc l'auteur رحمه الله تعالى ici il réfute de manière brève et concise, certaines paroles des sectes déviantes comme les Jahmiya, Al-Kullabiya ou Al-Asha'ira qui se sont égarés à ce sujet en prétendant pour certains que le Coran n'est pas la parole d'Allah et que le Coran est créé wal-iyadu billah, ou en prétendant que le Coran n'est que la narration ou l'expression de la parole d'Allah comme l'ont dit Al-Kullabiya ou Al-Asha'ira. Et tout ceci fait partie des croyances déviantes à ce sujet. C'est pour cela qu'il dit, c'est réellement la parole d'Allah et ce n'est pas la parole d'autrui. وَلَا يَجُوزِ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللَّهِ أَوْ عِبَارٌ. Et il n'est pas permis de dire que le Coran est le rapport ou la narration de la parole d'Allah ou l'expression de la parole d'Allah. Ça c'est ce que disent les Sha'ira. بَلْ إِذَا قَرَأَهُ الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. Même lorsque les gens l'écrivent dans les masahif, sur les feuillets, ou qu'ils le lisent, cela n'exclut pas le fait qu'il soit réellement la parole d'Allah. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. Car la parole, elle est réellement attribuée à celui qui l'a dit au départ. Si toi tu prononces une parole, et que quelqu'un écrit cette parole, et qu'un autre lit cette parole, de qui est la parole? Elle est de toi ou de celui qui l'a écrit ou de celui qui l'a lu une fois qu'elle a été écrite? Cela reste ta parole. Cela reste ta parole. Et il en est de même concernant le Coran, même s'il est écrit dans les masahif, même s'il est lu par les gens, cela reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a dit innama yudafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Cette parole elle est attribuée réellement à celui qui l'a dite au départ, la ila man qalahu muballighan mu'addiyan, et non pas à celui qui la prononce pour la transmettre ou la rapporter. Ce n'est pas la parole de Jibril alayhi salam, Et ce n'est pas la parole de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est la parole d'Allah. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit « Wa huwa kalamullah, hurufuhu wa ma'ani » C'est la parole d'Allah, ses lettres et ses sens. « Laysa kalamullahi al-huruf dun al-ma'ani, wala al-ma'ani dun al-huruf » La parole d'Allah, ce n'est pas seulement les lettres sans les sens, ni les sens sans les lettres. Mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les sens et les lettres. Et telle est la croyance des gens de la sunna, que le Coran est la parole d'Allah, ses lettres et ses sens. Il provient de lui et lui revient. C'est lui qui l'a fait descendre et il est incréé. Telle est la croyance des gens de la sunna et du groupe. Et nous avons vu dans des cours précédents les preuves évidentes à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, revient sur l'obligation de croire au fait que les croyants verront leur Seigneur au jour de la résurrection. Et il a dit « Faslun, wa qad dakhala aydan fi ma dhakarnahu min al-iman bihi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi. Al-iman bi anna al-mu'minin yarawnahu yawm al-qiyama ayanan bi absarihim. » Et entre dans cela également dans ce que nous avons mentionné concernant la foi en lui, la foi en Allah, la foi en ses livres, la foi en ses anges et la foi en ses messagers, le fait d'avoir foi et la ferme conviction que les croyants le verront au jour de la résurrection de leurs yeux. Pourquoi ceci fait partie de la foi en Allah, en ses livres et en ses messagers? On pourrait plutôt penser que ceci fait partie de la foi au jour dernier, car cela concerne une chose qui se produira après la mort. Donc pourquoi l'auteur nous dit que cela fait partie de la foi en Allah, en ses livres et en ses messagers? La réponse est que ceci est venu clairement dans le livre d'Allah. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mentionné dans sa sunnah. Donc celui qui renie cela, il renie une parole d'Allah, il renie une parole se trouvant dans son livre, et il renie une information provenant de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que celui qui a foi en Allah, foi en ses livres et foi en ses messagers, alors il a la foi complète en tout ce qui provient d'Allah, en tout ce qui se trouve dans son livre, et en toute information provenant authentiquement de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc les croyants verront leur Seigneur de leurs yeux au jour de la résurrection. Kama yarawna shamsa sahwan laysa biha sahab. De la même manière qu'ils voient le soleil lorsque le ciel est dégagé et ne contient aucun nuage. وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ Et de la même manière qu'ils voient la lune lorsqu'elle est pleine, sans avoir aucune difficulté pour la voir. Donc les croyants verront réellement Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucune difficulté, comme cela a été démontré dans les versets et les hadiths que l'on a vus précédemment et que l'on a déjà expliqués. Ensuite il dit يَرَوْنَهُ سُبْحَانَ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الْجَنَّةِ كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى Ils le verront, سُبْحَانَ, alors qu'ils seront dans les plaines de la résurrection. Al-Arasat, ce sont les plaines, ce sont des vastes étendues, sans aucune construction. Et c'est en ces lieux que se tiendront les comptes. Donc les croyants, en ces lieux, ils verront leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ils le verront également après être entrés au paradis. Comme cela est démontré dans les preuves du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que nous avons déjà vu dans des cours précédents. Et on a vu que ceci, le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, est le plus grand délice dont pourront jouir les gens du paradis. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux et de ne pas nous priver de la vue de son noble visage. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, est passé à un autre chapitre concernant la foi au jour dernier, qui englobe la foi en tout ce qui aura lieu après la mort, comme le châtiment de la tombe, son délice, les comptes, ce qui se passera au jour de la résurrection, et ainsi de suite. Et nous verrons cela dans les cours prochains, incha'Allah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.